Récit numéro 14. Il ne manquerait plus que ça. Dans l'antique cité romaine, il est de tragédies que le commun des mortels n'a pu oublier, tant elles ont marqué des générations de spectateurs crédules et médusés. Pourtant, à Nîmes, il arrive parfois qu'on oublie vite, trop vite, ou que l'on fasse semblant d'oublier l'essentiel de ce drame cornélien qui se joue quotidiennement sous les châtaigniers centenaires des jardins de la Fontaine, où rôde, dit-on, à deux pas des quais, le fantôme goguenard de Bigot. Le lieu, à lui seul, presque autant chargé d'histoire que l'Arc de Triomphe de Paris, est un symbole pour tous les vieux Nîmois, le rendez-vous incontestable et incontesté des boulomanes, le bosquet, le temple de la pétanque, la Mecque des triplettes, le mur des lamentations des perdants, le panthéon des gagnants, le festival de Cannes des bons tireurs, et puis Beyrouth, quand un étranger de Paris ou de Lyon, vient insolemment gagner chez nous, avec ce culot à vous démonter un professionnel qui pourtant en a vu d'autres. Il faut déjà un certain aplomb quand on est de passage dans le midi pour s'inscrire à un concours de boules où tous les joueurs patentés du cru se mesurent régulièrement entre eux. Provocation gratuite ou inconscience délibérée, ici on en rit d'avance. Car la pétanque, monsieur, ce n'est pas un jeu, c'est un métier. C'est quelque chose de grave, de très grave.